Cela fait 15 ans que je trimballe ce tromblon géant. Femme d'affaires redoutable, fille de gérant. Je n'ai fait de ce mariage qu'une histoire d'argent. Cette situation minable, il faut que ça change. Pas de coup, pas de trou, pas de trou, pas de violence. Pas de coup, pas de violence, pas de violence, pas d'assassin. Le triptyque du meurtre réussi. Sacré racaille, à moi l'argent, une fois morte, foutu canaille.